Si Madame de Lafayette réforma le roman en France, le roman chevaleresque et sentimental, et lui imprima cette nuance particulière qui concilie jusqu'à un certain point l'idéal avec l'observation, on peut dire aussi qu'elle fonda la première un exemple tout à fait illustre de ces attachements durables, décents, légitimes et consacrés dans leur constance de tous les jours, de toutes les minutes pendant des années jusqu'à la mort, qui tenaient aux mœurs de l'ancienne société, qui sont éteints à peu près avec elle, mais qui ne pouvaient naître qu'après cette société établie et perfectionnée, et elle ne le fut que vers ce temps-là. Got a run, flip side, can I? Can't think so inside. Stay away. shadows of the bed. You let a light go right here in the rain, and no, it just don't seem right. I always go out, I never hide, but in Cleveland, I should have stayed inside. Good morning, honey. Thank you. Qu'est-ce que c'est ? A demandé Arsène en regardant la bouteille d'un air un peu méfiant. C'est du whisky, il a répondu de Pierre en souriant. On en s'en sert d'habitude pour ceux qui sont fatigués de la marche ou pour faire des grogs aux malades. Mais ce soir, on va en boire un peu en votre honneur. Je sais ce que c'est que le whisky, a dit Larsen. Notre mère m'en a payé un coup un jour que je lui ai fait son jardin. Ça le rassénérait, même ça lui donnait d'autres idées sur les hippies, des gens qui boivent pareil que le maire. Peut-être bien que c'était pas de la crapule tout entièrement. Maupass a pas voulu être en reste de reconnaissance. Un représentant voulait m'en placer du whisky, il m'y a fait goûter. Ça a un peu un goût de punaise écrasée. J'en ai pas pris, puisqu'on n'en demande jamais. T'as déjà bu de la punaise écrasée ? A demandé Girgassou, à qui Arsène venait de passer la bouteille après en avoir éclusé un sévère. Tout le monde a rigolé, nous autres et les hippies. La bouteille fit le tour de l'assemblée, on buvait au goulot, puis on s'essuyait la bouche avec le revers de la main, puis on s'essuyait la main sur le pantalon de velours. On sentait que ça se détendait. Tout le monde comprenait que ces gars-là, c'était pas comme les Romano d'ailleurs. Jamais les Romano offraient de payer un coup, même ils préféraient se servir tout seuls dans nos poulaillers et des fois dans les caves. Alors comme ça, dit Girgassou, vous venez ici pour travailler. Seulement moi je vais vous dire, vous en vendrez jamais ici de vos trucs et de vos machins. Et il a dit à Mopa, tu vois ton Eugénie que ça sur le dos ? life had affect me and you. My optimism was running high. A new world order was on my mind, but I couldn't believe it when I heard them say they're throwing it away. And the burn of crushing is burning today. And baby, my emotions are too. The great love humanity has led us all astray. And we're all in this together, don't you know? Cause our species has nowhere else to go. Aggression rears its ugly head. Retaliation brings further dread. But surely by unseen threats and wind back through time. I don't agree with this evaded trend. Nationalism, an evil friend. It's through survivors' minds, all in our minds. And the burn of oppression is haunting us today. And baby, our instincts are too. The ghost of humanity is warning us this way. And I think we all should eat it, don't you know? Cause we've got nowhere else to go. The burn of crescent is haunting us today. And maybe our instincts are too. The ghost of humanity is warning us this way. And I think we all should eat it, don't you know? Cause we've got nowhere else to go. On s'est marré parce que l'Eugénie l'épicière, la femme à Mopa, elle fait dans les 100 kilos tout en graisse. Et que de l'imaginer dans cette tenue, c'était comme de voir une vache dans une robe de mariée. On n'a pas l'intention de vendre ici, reprit le Pierre, mais dans les grandes villes des environs, et puis de temps en temps, un de nous montera à Paris pour écouler la production. Vous êtes drôlement organisé, constata Girgassou, et ça marche bien. On travaille juste ce qu'il faut pour vivre et on n'a pas beaucoup de besoins. En tout cas, moi je vous le dis, pour vous, ça sera bon. D'abord, on a des clients, ensuite notre présence ici attirera des touristes, ça fera aussi marcher le commerce. Et puis, il a ajouté en se tournant vers Larsen, on vous paiera un loyer pour votre champ. Ah bon, il a dit Larsen, un peu dépassé, il est reparti. Sûrement à cause du whisky, comme ça, bah, ça change tout, mais il faudra voir avec Gérard le Parisien aussi. Le terrain lui appartient. Ils sont en bisbille depuis des années, expliqua Girgassou. Remarquez le Gérard, il s'en fout un peu de ce tas de caillasses. Il est du pays, seulement tout jeune. Il est monté à Paris et un jour on l'a vu revenir avec une batte bagnole américaine, des costumes et une drôlement jolie femme. Il a acheté le château qui tombait à moitié en ruine, il l'a tout retapé. One. We must leave. Tout le monde était bien content. Maupas imaginait son bistrot envahi le dimanche par les citadins. Les autres, parce qu'on cherchait depuis longtemps une attraction, comme ils disent. Autour des villages avaient des vieilles maisons dans le temps, ou bien un homme célèbre, ou bien un grand restaurant, des ruines, des machins d'archéologie, des plages. Nous, on n'avait rien du tout. Même ce qu'on appelait le château, mais que le Gérard avait racheté, c'était rien qu'une ferme fortifiée, avec juste deux tourelles, pas de l'antique. « Je vais vous présenter mes copains », dit le Pierre. Il nous a dit plein de noms, on ne se rappelait pas, juste que le petit bout de bonne femme avec le grand sac, c'était Vanda, sa femme, et puis un autre, Peter, un costaud avec des cheveux frisés dressés dessus sa tête, à croire qu'il se faisait des permanentes. « C'est un Américain », expliquait Pierre, « il a déserté du Vietnam ». Un déserteur, ça nous a un peu refroidi. Ça impliquait des histoires de gendarmes pas très plaisantes. Le gars l'a bien compris et il nous a expliqué que la justice française, elle s'en tapait complètement de ce Gus, c'était pas ses oignons. On a regardé le Peter avec curiosité. Le Vietnam, on connaissait, même une fois le curé avait dit que c'était une sale guerre ou que le bon droit était pas respecté. Celui-là, il correspondait pas à l'idée qu'on s'en faisait d'un soldat, même que les GI, ils ont le crâne rasé à leur mince. and writhing in pain. Big strong people unwilling to give small in vision and perspective. One in five kids below the poverty line. One population running out of time. Running out of time. This is just a punk rock song. Written for the people who can sing some song. J'en ai connu un d'américain qui a dit Maupas-au-Pitaire, histoire d'être poli. On la connaissait, son histoire de ricain. Un jour, un type était passé dans le village, s'était arrêté au bistrot et il avait tout acheté. Les tables à dessus de marbre, le comptoir d'étain, les calendriers au mur, le cartel, les chaises en bois et les bancs à pied de régule. Il avait tout remplacé par du formica, des sièges avec lanières élastiques et un bar en plastique rouge. Ça faisait même drôlement moderne et que Maupas se foutait de la gueule du ricain qui avait sacrément perdu au change. Pour le cinéma, qu'il disait cet enflé, tout ravi avec ces vieilles saletés qu'on n'en voit même plus en ville. Il se faisait tard, fallait rentrer maintenant, on sentait les femmes au pas de nos portes en train de s'impatienter. Ça ira, que disait Maupas en serrant la cuillère à Pierre. Il voulait parler des touristes, de tout ce qui allait tomber de bon sur le village, et son avis comptait. Un bistrot, forcément c'est quelqu'un, il voit tout le monde, il a de l'influence. Mais oui, ça ira, rétorquait Pierre en rejetant ses longs cheveux en arrière. Ils nous ont accompagnés jusqu'à l'entrée du bourg, et alors, celui qui nous a le plus épaté, ce soir-là, ça a été Larsen. En partant, il a agité la main vers Peter et lui a lancé « Good night !» Was all a frame. They only did. We all had to say goodbye. Unlimited supply. Mademoiselle de Sébillé fut retrouvée morte, étranglée, le lendemain de cette étrange soirée. C'était à elle qu'appartenait avant le château dont Gérard le Parisien s'était rendu acquéreur. De famille et de longue date. Elle était, cette vieille carne, la plus dévote du canton, manquant jamais une messe, accomplissant des dévotions interminables le matin de bonne heure, s'occupant de l'éducation des filles du village qu'elle dotait parfois quand les mœurs étaient bonnement établies. Même nous, dans le bourg, on s'en moquait. En douce, faut dire, parce qu'elle avait de l'entregent, qu'elle connaissait le préfet. Dans le temps, ils avaient eu des domaines en Indochine, des milliers d'hectares dans le caoutchouc, et puis le père de Sébillé, il avait tout bouffé. Ça fait que quand les Viettes étaient arrivées dans leur propriété, c'était les contremaîtres qui possédaient tout, vu que le bonneteau, il le possédait drôlement sur le bout de l'ongle. Yeah.

Le frère de la vieille demoiselle, il s'était fait coincer sur les piastres. Comme les autres, il en était sorti, seulement les amandes savaient coucher dur. À croire presque, la quatrième avait elle-même organisé le trafic pour amasser encore plus de favio. C'est la Gaïa Christie, avait dit Girgassou lorsqu'on l'avait appelé pour constater le meurtre et garder le corps en attendant les gendarmes. Faut dire que c'était pas beau. Décharnée d'ordinaire, mademoiselle de Sébillet prenait davantage ce matin-là des allures d'épouvantail. Elle était couchée sur son grand lit, une jambe toute raide dressée au-dessus d'elle, la langue tirée, alors qu'on avait toujours connu correct et même emprunté. Ça faisait comme une sorte de coquinerie grotesque qui nous étonnait bien. Le gros Justin était là, ayant déserté ses charcuteries, déplaçant beaucoup d'air à son habitude bien sûr, il est adjoint au maire, mais c'est pas une raison de vouloir tout régenter. Touchez rien, surtout pour les empreintes, sortez de là vous autres, y'a rien à voir, rien de rien. Des trucs qu'il est jamais arrivé et lui qui voudrait avoir le spectacle pour lui tout seul. On se souvenait bien d'un vieux qui s'était foutu un coup de fusil dans la bouche, il y avait une dizaine d'années, rapport aux impôts, mais des assassinats, on s'en rappelait guère dans la commune. Pour sûr, qui disait le Justin, pour sûr que c'est ces espèces de rabouins qu'on fait le coup. function it smoothly, and still I'm a cyborg just like you. I'm one big myoma that thinks my planet supports only me. I've got this one problem, will I live forever? I've got just a short time to see. The modern man, evolutionary betrayer. Modern man, ecosystem destroyer. Modern man, destroy yourself in shame. Modern man, pathetic example of Earth's organic heritage. When I look back and think, when I ponder and ask why, I see my ancestors spend with careless abandon, assuming eternal supply. Modern man, pathetic example of Earth's organic heritage. Just a sample of carbon makes wastage. Just a fucking tragic epic of you and I. autres ont repiqué pas ses propos. Peut-être bien qu'on les avait à la bonne, ces bougres-là. Et tout le monde se montrait du doigt le bas de laine de la vieille cochonnerie qui était serrée autour de son cou et qui, devant, faisait une sorte de nœud plutôt coquet, comme une faveur. « C'est point un spectacle pour les enfants, tenez Justin, sortez d'ici les mômes, ou que je vais vous mettre le pied au derrière. » C'est-il possible des choses comme ça, disait Eugénie, la femme à Maupas, en talochant la bouille à son aîné, qui s'était faufilé au premier rang pour voir le cadavre, dire qu'on était si tranquille. Les mioches refluèrent, d'abord parce que l'instituteur les appelait d'en bas, dans la cour, ensuite parce que tout le monde s'était mis à leur envoyer des mandales. À croire qu'on se punissait par génération interposée de l'espèce de mauvais sentiment qu'il y avait à regarder le tableau. C'est à n'y point croire, expliquait la Julie qui faisait les ménages de presque tous les commerçants et celui de Mademoiselle de Sébillet. C'est à n'y point croire. Quand je suis arrivé, tout était fermé, il était méfiante la vioque, il n'y a que moi qui avais une clé. Les volets aux fenêtres, le verrou de sa chambre, la porte d'entrée en bas, c'est à n'y point croire. Un crime en vase clos, dit Gergassou. Comme il représentait la loi, sa phrase fit beaucoup d'impression. Les hommes disaient trop rien, peut-être bien qu'ils se repentaient de leur soirée de la veille, ils voulaient pas trop la ramener. Mais alors là, les femmes, quel piaillement! Et qu'on n'était plus protégés, et que voilà à quoi ça menait de faire confiance à des espèces de flandrins sans feu ni lieu, et que ça devait être un crime sexuel comme il faisait en Amérique, et que maintenant on devrait faire attention aux enfants, pire que dans les villes. I don't love. zig zag. We'll be right back. l'avez bien dit, triomphait Justin, que ça nous ferait que des embergnots. Il n'y a pas de preuve que c'est eux, rappelait Gergassou, n'est rembêté, tripotant sans arrêt sa plaque dorée de champêtre. Il n'y a peut-être pas de preuve, mais il y a des présomptions, que rétorque Justin qui est abonné à Détective. Tiens, cette espèce de nœud au bas, c'est comme qui dirait du fétichisme. Comme les gus qui ont écrit Pig avec du sang sur les murs de l'artiste assassiné aux Amériques. Mais c'est vrai ça, a dit du génie, ça y ressemble. C'est du tout signé satire. En tout cas, on n'a pas abusé d'elle, fait constater Gergassou à l'Assemblée en relevant les côtes de la vieille fille. Tout le monde s'approche, presque nez au machin. La chair est blême avec des sortes de crevasses et puis des traînées de crasse entre les cuisses. Mademoiselle de Sébillé est en chemise de nuit et ça étonne bien malgré tout qu'elle n'ait pas de culotte. Ça veut rien dire, lance Maupa qui veut se dédouaner auprès de l'Eugénie. Des fois qu'ils auraient essayé, qu'ils auraient pas pu. D'abord, c'est tout sec à cet âge-là, une vraie terre à chèvre qu'on n'y met pas le soc. Que tu dis, rétorque Larsène. Un collègue à moi, Arsène et Fossoyeur, me racontait qu'à Châteauroux, un maniaque y baisait les mortes. Il creusait la tombe avec ses ongles, il sortait la pauvre malheureuse et il se l'embourbait comme ça sur le tas. Alors, sèche ou pas sèche, ça se fait, n'est-ce pas? Les gendarmes du chef-lieu sont enfin arrivés à 10h juste. Même que les gosses étaient en récréation, qu'on les entendait piailler et que ça faisait tout chose. Ils étaient deux, plus un autre, un gradé, qui est arrivé un peu plus tard. Eux, ils ne sont pas gênés pour nous faire évacuer. Alors on a redescendu et on s'est posté dans la ruelle, sous les grilles de la maison de feu Mademoiselle de Sébillet. Vous avez prévenu un médecin ? A demandé un gendarme en passant la tête par la fenêtre. Il n'y a qu'un médecin ici, a répondu Justin en faisant l'important. C'est notre mère, seulement elle est en Suisse à un congrès. Bordel de Dieu, a dit le gradé pour ses gendarmes du premier. Quand même, nous autres, on l'a bien entendu, quelle bande de ploucs ! My head. kicks in a one sort of rage. I wanna dance like I'm on the video. I got a fever for my violent behavior. I'm sweating bullets like I'm Martin Romeo. Hey, hey, give me a hey. Shoot me up to an insane. I am a summer. Testify like a lullaby of memories. Broadcasting live and it's on my radio. I got my photobomb, I got my Vietnam. All on the line just like anybody else. Hey, hey, give me hey. Shoot me up to entertain. I am a semi-automatic lonely boy. Give me death or give me love. Broadcasting from my room and playing with my toys. Après requête de Justin au téléphone de chez Maupass, le docteur Barthélémy est arrivé avec sa petite mallette et sa voiture de pauvre. On n'aime pas bien ici Barthélémy, il sait des choses. Il est un peu toucheux et peut-être même stutzer. Ça faisait pas confiance qu'il s'occupe de la morte. Ce matin, ils sont pas venus faire leur commission, commentaient les femmes. C'est ben preuve qu'ils ont pas la conscience tranquille. Elle parlait des hippies, bien sûr, et c'était vrai qu'on les avait pas vus au bourg. Girgassou ergotait. Avec toutes les provisions qu'ils ont fait hier, peut-être bien qu'ils n'en ont pas besoin aujourd'hui. Toi, a dit imprudemment Justin, tu les défends un peu trop. Je manquerai pas de le signaler aux gendarmes. De quoi ? A menacé Girgassou en étreignant son bâton noueux. Tu me cherches ? Tu vas me trouver. Il s'élance sur le gros charcutier, il va lui fendre le crâne d'un seul coup d'un seul. Il lève son bâton, la boucle de cuir bien passée dans le poignet. Et puis, crac, il doit se souvenir qu'il est le représentant de la loi. Alors il suspend son bras et se contente de glavioter sur un Justin devenu tout pâle. Nous, on ricane. Vu que le marchand d'andouille, il porte sur les nerfs à quelques-uns avec sa manie de toujours jouer les gros bras, commerçant, propriétaire, notable. « Je te pardonnerai pas ça », qu'il a dit le Justin en partant à reculons. « T'auras de mes nouvelles !» Par le facteur de mes couilles, rétorque Girgassou, l'air mauvais. Construct a rack of tempered beams and trusses, and equipped with just a million tiny suns. I'll install them on the roof of my compartment, and place the foil on my forehead on my walls. Then I'll turn on the light, turn on a million blinding brilliant white incendiary lights. A beacon in the night, I'll burn relentlessly until my juice will dry. Pages left for only him to write. Life is short, this chapter takes so long. Can't tell the right from the wrong. It's so hard for you to place an expression on his face. Why am I alone with no one to be found? Looks like they know what's best for me. Why doesn't anybody like me? I'll have to crawl inside. And I don't know why I'm sitting by myself with a problem is in mind. Why doesn't anybody like me? I don't understand why my friends and family left. That was put to be a man. Make me feel under the hood tonight. McDoul Louardi. Vous désirez garder la nationalité française? Oui, monsieur. Très bien. Vous voulez signer la déclaration? Oui, monsieur le juge. Merci. Oui. En tant que ministre de l'Intérieur, je dois garantir l'ordre public, je le ferai, et les casseurs ne doivent s'attendre à aucune faiblesse de notre part. Le spectacle d'un certain nombre de voyous qui polluent des manifestations, qui cassent, qui démolissent et qui s'en prennent à des fonctionnaires ou à des militaires de la gendarmerie est tout à fait scandaleux. Lessening, and I'm not sure that I even give a damn. not sure that I'll miss it. And it's getting clearer that we're all adrift. And when I'm looking for a hint to prove irrelevant, to prove we're still here. Vous êtes toujours sur le 100 FM Lost in Space en ce dimanche soir. On vient d'écouter dans l'ordre OTH avec Quelle Sacrée Revanche, Green Sleep et les Greys. Et on continue avec un autre groupe français de la toute première vague punk de 77, sont les Guilty Razors.